Salut Charline. Joyeux anniversaire. Oh, merci Charline, c'est adorable. Merci beaucoup. Mais c'est pas ton anniversaire, Guillaume. Ah, ça va, je tente pour les cadeaux. Ouais, on a compris. Non, c'est l'anniversaire de qui? Joyeux anniversaire, Nicolas. Qui a 60 ans aujourd'hui. Bah, génial, ça nous fait une belle jambe. Ah, bah, quand même, on peut pas passer à côté de son anniversaire. Ah, on lui offre un cadeau. Bah, une photo dédicacée de toute l'équipe. Un disque de Carla Bruni. Ah, ouais. La France pour les nuls. Ouais, ah, c'est bon. Non, mais vous moquez pas de mon Nico comme ça. On fait pas de cadeau, mais on rend hommage à notre inspirateur à tous. Ouais, c'est vrai, d'accord. Alexis, ce que tu fais là? Eh ben, je regarde sur internet pour savoir qui est né le même jour que ton Nico. Ah. Colette, Jackson Pollock. Oh, que des grands artistes. Ah bah, ça, c'est vrai que la politique de Sarkozy, c'est un peu du Pollock. Hein. C'est fou comme on peut trouver des liens entre les gens qui sont nés le même jour. C'est fou, hein. Ah, c'est fou. 28 janvier. Bernard Guetta. Non. Oui, si. Ça, alors, c'est vraiment le jour des gens qui ont une vision du monde. C'est fou comme on peut trouver des liens entre les gens qui sont nés le même jour. C'est vrai, c'est fou. Et c'est tout? Non, il y a aussi le gardien de but italien, Gianluigi Buffon. Ah, ça, c'est marrant. Ah, ouais. Et Buffon en italien, ça veut dire quoi? Bouffon, je suppose. Ah, c'est fou comme on peut trouver des liens entre les gens qui sont nés le même jour. Hein. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui tranche l'actualité au couteau à pain. Et voici les trois informations qui vont y passer jusqu'à 18h. Il y a trois Nikos, deux Yanis et deux Panos. Ce sont les nouveaux ministres grecs. Et comme ses prénoms l'indiquent, il y a très peu de femmes. Hein. On en revient un petit peu à l'âge de pierre de la politique. Pierre. Présent. Pierre. Présente. Pierre. Présent. Pierre. Pierre. Évidemment, encore absent, celui-là. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Non, Pierre n'est pas là non plus. Le milieu politico-médiatique s'est fait plaisir en organisant une petite sauterie appelée le trombinoscope. Décerner des prix à nos élus, bon, passe encore. Mais gratifier un maire FN de Hénin Beaumont... Il y en a pour briller en société, il mangerait du cirage. Les infos de la presse canadienne sont étonnantes. L'une des plus partagées répond à cette question. Au Québec, quel problème déclenche un quart des pannes de photocopieurs? Baisse tes culottes. Quoi? Baisse tes culottes, assieds-toi sur le photocopieur. Ouais, c'est ça. Les photocopies des fesses causeraient 23% des pannes de photocopieurs. Enfin, c'est pas sûr que ce soit une info, on vous dira pourquoi tout à l'heure. Et pour s'emparer donc de ces informations absolument essentielles de première importance, je suis accompagnée de celui qui accompagne toutes les filles au local de la photocopie, c'est Alex Vizorek. Vous marchez sur mes plates-bandes avec vos informations. Et aujourd'hui, autour de la table, que des gagnants à 17h20. Le champion d'Arménie du stérilet afghan, ce qui est très très rare, c'est presque aussi rare que le champion d'Afghanistan du stérilet arménien. Mesdames et messieurs, André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. J'aime quand vous reprenez mes élucubrations. Alors nous, on va rester en Grèce aujourd'hui avec un genre musical, le rebetikon, qui est né dans les années 20 à l'ouest de la Turquie et qui va trouver écho chez les surfeurs californiens des 60s. Ouais, mais c'est un truc de godin, ça. Hein, 17h30, le champion de France de répartie quasi pertinente. Il a battu en finale Marion Cotillard. Guillaume Meurice, bonjour. Belle performance, bonjour. Bonjour Alex. Et oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'anniversaire à Nico. Oui. 60 ans Nicolas Sarkozy. Il va faire une boum avec tous ses copains. Je les ai interrogés ce matin. Écoutez la joie de vivre d'Henri Guénaud. Bon anniversaire. Ils vont s'éclater. Et à 17h40, sur le podium de mes envies, c'est la médaille d'or. Ah. Mais le problème, c'est que c'est contrebalancé par sa première place au championnat de France de mes échecs sentimentaux. Bonjour Clara Dupont-Moretti. Bonjour Alex, mais ne désespérez pas, non, la compétition est le sel de l'homme. Je vous parlerai d'un chef-d'œuvre qui tourne autour de Marie Curie. Et c'est Marie Curie comme on ne l'avait jamais lu. Et nous sommes sur Twitter, hashtag annule tout, et tout ce que vous n'osez pas dire au téléphone sonne, dites-le au téléphone déconne, c'est notre répondeur, 01 56 40 69 51. Il existe aussi une page Facebook parce qu'on aime liker. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous Maurice Duplessis, au Québec, le contemporain de René Coty. Vous créez votre premier festival à La Chute au Québec en 80, quand Coluche se présente à la présidentielle. Vous lancez le festival Juste pour rire en 83, quand Céline Dion fait sa première apparition en France chez Michel Drucker. On vous l'a rendu un peu après, vous pouvez la garder. Vous êtes juré dans Incroyable Talent à partir de 2006, l'année où il est interdit de fumer dans les lieux publics. Et vous êtes donc, vous êtes entre deux gorgées de thé vert, je vous laisse le dire. Gilbert Rozon. J'ai failli oublier mon nom. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bah oui, j'annule tout, c'est l'heure du thé, non? Bah oui, on est bien. Je me trompe en disant que le tea time, c'est 17? Non, ça se tient. Non, ça se tient. De toute façon, si c'est pas ça, on va recevoir du courrier. Mais c'est du thé vert, hein, c'est oui. Du thé santé. C'est pas ça que je voulais. Ah, je voulais du vrai thé. Si on peut lancer un appel. Tout est santé maintenant. Donc un producteur, c'est quand même plus carré que ses artistes. C'est l'artiste qui boit du whisky et le producteur qui boit du thé pour être carré, quoi. Ah, moi j'aime beaucoup le whisky. Ah oui. Gilbert Rozon, vous avez créé le rendez-vous mondial de l'humour. Vous avez à peu près 400 collaborateurs sur les 5 continents, maintenant des filiales partout, même en France. Il y avait Juste pour Rire à Nantes, mais qui va être délocalisé. Alors où est la piste française à Juste Lyon pour Rire? À Lyon, et on va faire aussi un à Romain. Donc Lyon et Romain. On va en faire 2 à partir de cette année. Ah, ouais. Le deuxième, c'est oui, Romain. La ville de la chaussure. J'ai donné un très beau concert samedi à Romain. Je salue tous nos amis de Romain. La radio Pomono, c'est où Romain? Vous devez savoir. Dans la Vienne. Comment ça? Mais c'est dans la Drôme. Mais vous rigolez, quoi? C'est à peu près à 20 minutes de Valence, quoi. Même pas, tout à fait. C'est le Québécois qui vous explique où sont les villes françaises. Félicitations. Excusez-moi, André, je ne donne pas de concert, moi. Et j'ai rencontré la députée maire, Madame Marie-Hélène Touraval, que je salue, parce qu'elle était très sexy. Hein. J'ai été très impressionné. J'avais jamais été accueilli par une mère comme ça. Je suis allé voir le musée de la chaussure où il y avait des chaussures fétichistes. Ah ben, on salue nos auditeurs. De choses en très peu de temps. On salue nos auditeurs à Romans. Mais oui, mais on va faire des chaussures. Est-ce que c'est pas une exclue? Parce que moi, je n'avais jamais lu ça nulle part qu'il allait avoir un festival juste pour rire à Romans. Oui, c'est une exclusivité, effectivement. Voilà, ouais, on vous l'annonce. Il y a une sorte de Morandini en vous. Mais Lyon, mais je l'avais jamais entendu. Et j'adore Lyon, donc je suis très content d'y retourner. Ça va être notre deuxième année. On fait ça avec Comédie, la chaîne Comédie. Gilbert Rozon, vous êtes un petit peu la multinationale de l'humour aussi. Comment se porte le cours de l'humour aujourd'hui? Est-ce que la courbe est plutôt ascendante? Ben, ça va très bien, vous le savez, les gens ont besoin de rire. Même vous, vous essayez de nous faire rire. Alors, si ça vous a qu'à France Inter, on essaie de faire rire, ben, où est-ce que le monde va? Bon. C'est pas le même genre de rire, mais bon. c'est pas comme ça sur Radio-Canada? Radio-Canada, oui, de plus en plus, on rigole, rit sur Radio-Canada. On rigole oui, plus sur Radio-Canada, il y a des chroniqueurs. Pour d'autres raisons, mais on est rendu qu'on rit dans les bulletins de nouvelles, on rit partout. Des fois, ça me fait un peu peur, mais je pense qu'en même temps, c'est sain. Parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est quand la dernière fois que vous avez trop ri? C'est la question que je me pose. Moi, c'était au spectacle d'Alex Vizorek. Très bien. Et d'ailleurs, vous... C'était bon. J'ai adoré ça. J'étais très surpris. C'est vraiment bon. Ouais. Pendant une chronique d'André Manoukian, mais c'était pas fait exprès. Clara Dupont-Monet. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'a jamais autant ri depuis qu'on a perdu le sens de l'humour. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez dire par perdre le sens de l'humour? C'est incompatible, ces deux affirmations. Non, moi, j'entends beaucoup, très souvent, que c'est pas incompatible. Non, que c'est. On n'a jamais autant ri avec un rire un petit peu gras, comme ça, un petit peu tripale, et qu'on n'a pas le sens de l'humour. Alors justement, qu'on a perdu le sens de l'humour. Non, ce que j'ai déjà entendu et que je ne peux pas confirmer, c'est qu'on aurait perdu une certaine joie de vivre. Mais il y a des périodes qui sont plus joyeuses que d'autres, et il y a des périodes comme en ce moment où il y a une vraie morosité, particulièrement, disons, ici en France, où les gens probablement de s'évader par le rire. Alors là, il y a un marché et vous avez toutes les formes de rire, fin comme celui d'Alex, parce que honnêtement, c'est un spectacle très fin, et surtout pour un jeune comme ça, c'est incroyable. Vous avez bien fait de venir. C'est Alex Vizorek qui a programmé Gilbert Rozon dans l'émission. Mais oui, parce qu'il est venu me voir. Vous pouvez le rappeler, non, mais le producteur d'Alex Vizorek. Là, quand il y a du coup, attendez, on va mettre quelque chose au point, parce qu'on dénonce souvent nos politiques, on se moque de nos politiques, mais quand il y a conflit d'intérêts, pardonnez-moi, mais là, expliquez-vous Alex Vizorek. Ma boîte de production belge a été rachetée à moitié par l'Empire, juste pour rire. Et Gilbert Rozon est venu me voir il y a 2 semaines à peine. Donc, je veux dire que comme quoi, il s'intéresse. Je suis reconnu pour mon franc-parler. Si j'avais pas aimé ça, je dirais pas un mot. Ou mais pas sur assez poli pour fermer ma gueule, mais je dois dire que j'ai été plus qu'agréablement surpris. C'est plein, de toute façon, c'est complet. C'est grave ce que vous dites, ça veut dire que vous aimez Stéphane Rousseau? Là, pourquoi vous me faites parler de ça? Rien à voir. En tout cas, on est ravis d'avoir Gilbert Rozon avec nous, donc vous avez bien fait. Les rachats de filiales, etc., les capitaux, tout ça, nous ont amené Gilbert Rozon jusqu'à France Inter dans Si tu écoutes, j'annule tout, et ça, c'est la meilleure nouvelle. Allez, on va attacher l'actu au radiateur avec vous, jusqu'à 18h. You're so perfect and you're so right. sur la FM avec The Cure. Why can't I be you? Sur France Inter tout de même, jusqu'à 18h avec Gilbert Rozon, producteur du festival Juste pour rire. Et autour de cette table. Et autour de cette table, Clara Dupont-Monod, Guillaume Meurice et André Manoukian. Et hashtag annule tout, quelqu'un nous dit: j'espère que vous avez mis un buzz à disposition de Gilbert pour la chronique d'André Manoukian. Morgane Lemeur, attention, surprise. Ah oui, et qui est-ce que quelqu'un? Morgane Lemeur. Morgane Lemeur, très bien, qui est vigilant puisque Gilbert Rozon, hier c'était la finale d'Incroyable Talent sur M6, c'est ça. Vous avez fait gagner des Bretons? Ben oui, c'est tout un choc parce que moi je dois les accueillir à Montréal. Ils sont 37 là, c'est un détail. C'est pas fait une affaire. Je vais rebaptiser le festival. Je pense que ça va s'appeler Festival Bagade de Vin. Hein, 37. C'est 37 billets d'avion. Plus les accompagnateurs. Là, ah. Il doit y avoir des enfants là-dedans, des administrateurs. Fait, tout le monde qui va vouloir. Je vais inviter la ville au complet. Avec vos 400 collaborateurs dans les 5 continents, je pense que vous n'aurez pas trop de soucis. Et avant cela, une revue de presse à deux voix. Ça la dérange. Charline Van Macker. Non, mais je vous en veux pas, mais. Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par New York. On a beaucoup surestimé les chutes de neige. On annonçait 80 cm et il y en a eu 15. Ouais, moi, j'ai déjà arnaqué des gonzesses, mais pas autant. Merci Alex, ça commence fort. On va peut-être passer à la vraie actu. Ou si on ne peut pas rigoler. Très bien. Alors, retour sur les réactions à la victoire de Syriza en Grèce. Oui, pour François Hollande, Syriza est passé du petit parti dont on se moque à « je vous aime autant que les grands patrons hein. ». Le président, donc, une fois de plus, retourné sa veste. Non, ça garde de robe. Il retourne plusieurs vestes à la fois. Ça, c'est votre avis. Rappelons qu'en Grèce, l'Église n'est pas séparée de l'État. Ça, c'est... Oui, c'est d'ailleurs pour ça que les politiciens croient encore au miracle. Mais ça, c'est votre avis. C'est... Bon, quant à Angela Merkel, cette victoire ne l'arrangeait pas. Elle fait la gueule. Quoi. Oui, enfin, comme d'habitude. Quoi. Mais arrêtez, Julie. Non. Si vous n'aviez pas... Ouais, en fait, vous n'avez pas tort. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Syriza accuse l'Europe de tous les maux, mais l'Europe a sauvé la Grèce de la noyade. Oui, mais en leur imposant la pendaison à la place. Voilà, donc c'était pas une info, c'était l'édito de Charline Van Macker. Ah, écoutez, si on peut plus donner son avis. Oui. Venons-en à une belle initiative de l'État français. Oui, la lutte contre le djihadisme passe en grande partie par le web. Le gouvernement vient donc de lancer le site Stop Djihadisme avec une vidéo choc à la télévision. Alors, choc, c'est le mot. Hein. Une vidéo où c'est écrit en grand. Hein. Ils te disent « Sacrifie-toi à nos côtés, tu défendras une juste cause » et puis poum, en surimpression arrive. En réalité, tu découvriras l'enfer sur Terre et mourras seul et loin. Alors là, je pense que le jeune djihadiste potentiel qui voit ça, bim, il est découragé dans la minute, se rend immédiatement au commissariat pour déposer la Kalachnikov, il dénonce ses camarades, il ressort, il achète Charlie Hebdo en kiosque. Donc tout va bien. Mais oui, tout va bien. Bah, je vous le confirme. Si la vidéo est bien diffusée sur Dailymotion, dans deux jours, on peut considérer que le problème du djihadisme est derrière nous. Mais je note quand même qu'à un certain moment de la vidéo, elle est interdite au moins de 12 ans. Oui, et c'est d'ailleurs le problème, parce que les plus jeunes peut-être ne pourront pas être découragés du djihadisme, mais le gouvernement a pris les devants. Pour décourager les plus jeunes, ils ont prévu quand même quelque chose. Dis Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Je charge mon fusil à eau. Mais pourquoi? Pour m'entraîner, je vais faire un attentat dans le jardin. Je vais noyer des fourmis. Mais c'est chouette comme activité. Peut-être plus tard, tu pourras en faire ton métier. Oh oui, j'aimerais tellement être djihadiste. Oui. Boum, boum, boum, boum, boum. Bonjour les enfants. Bonjour nounours. Qu'est-ce que j'entends? Tu veux devenir djihadiste? Oui, mettre la burqa à Paprenel. Ah oui, ce serait super pour jouer à cache-cache. Mais les enfants, c'est pas bien le djihad. Ah bon? Mais bien sûr, c'est pas bien. Ah bah alors on le fait pas alors. Ah bah nous on t'écoute nounours, hein, comme nos grands frères écoutent François Hollande. Très bien les enfants et bonne nuit les petits. Nounours, Wagbar. Vous êtes sur France Inter. Voilà, bien, nous traitons bien. L'actualité. C'est bien de le rappeler. C'est très très drôle. C'est... Ah, on va être engagé là-bas pour le Festival de Montréal. Et nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Gilbert Rozon. Nous allons traiter du premier sujet sur France Inter. Le gouvernement grec s'est réuni ce matin. 40 ministres, dont 7 femmes, mais aucune dans les 13 principaux postes. Mais alors, dans l'exécutif grec, il y a déjà un super-héros, l'homme qui est chargé de la mission impossible. Il s'appelle Yanis Varoufakis et il est ministre des Finances. Patron, j'ai tellement de choses à te dire. J'ai jamais aimé un homme autant que toi. Hop. Hey patron, est-ce que tu avais déjà vu un plus splendide désastre? Zorba le Grec avait prédit la crise. C'est incroyable. Le ministre des Finances, qui a fait ses études à Austin, Texas, parle de la dette odieuse qui a déclenché une crise humanitaire, je le cite, hein, en Grèce. Ce virage à gauche qui commence en Grèce et qui intéresse toute l'Europe, tous les Européens, on regarde ça de très près, on s'enflamme même en France pour ça. Vous voyez ça de quel œil outre-Atlantique, Gilbert Rozon, ce côté, ça, vous trouvez que c'est un petit côté romantique de l'Europe qui repasse à gauche et qui attend ce virage, ou dites quel non, vieux continent je pense de que merde de notre point de vue, on se dit que c'est quand même le pays qui nous a donné la démocratie, hein, et que donc on peut leur verser une pension, quoi, annuelle pour avoir fait naître quelque chose d'aussi important. Ah, donc vous annoncez une solidarité québéco-européenne. On accepte de leur donner quand même un montant chaque année. C'est vrai qu'on n'avait pas... Il faut qu'ils se débrouillent avec ça. Oui, oui, oui. Parce que moi, les théories comme ça, économiques, keynésiennes, ça, je les connais assez bien, mais je trouve que la situation est assez particulière quand même en Grèce. Oui, oui. Alors, c'est un peu le nouveau colosse de Rhodes, la dette. Parce que le colosse de Rhodes était englouti, mais là, ils nous ont fait un nouveau. Il a disparu, le colosse de Rhodes, pour le coup. Si la dette disparaît, ça sera vraiment ça. Oui, oui, mais là, pour l'instant, elle est là. Hein. Première décision, parce que le gouvernement grec s'est réuni ce matin pour la première fois, et une des premières décisions, c'est de bloquer la privatisation du port du Pirée. Ça fait aussi vraiment vieux continent, ça, pour un Québécois, parce que c'est... Façon vous savez, là, vous rentrez dans des détails assez pointus. Le port du Pirée, la privatisation, j'ai pas eu le temps de me forger une opinion sur ce sujet-là. Vous me posez une vraie question. Je sais qu'on privatise les aéroports, je pense même Charles de Gaulle, ça appartient pas à l'État français, on privatise, pourquoi pas les ports, donc après tout. Non, parce qu'on se dit peut-être que pour quelqu'un qui vient d'outre-Atlantique, donc, ça moi, j'ai un peu rapport à l'eau politique. Qui est particulier, vous savez que je prends... Je prends l'avion quand même. Là. Vous imaginez bien, je viens pas ici à la rame, moi. Là. Par exemple, on avait reçu Denise Bombardier. C'est très intéressant, le lien intellectuel. Puisque vous êtes de l'autre côté, l'autre bord de l'eau. Puisqu'on parle d'avion, on a reçu Denise Bombardier, pour Bombardier. J'ai compris. Un avion, voilà, qui nous avait dit, voilà, tout ce qui est ce côté-là, très, très de gauche, ça l'étonnait. C'est beaucoup plus libéral, oui, le Québec. C'est pas votre rapport à la gauche. Oui. C'est sûr qu'on est toujours un peu surpris. Mais aussi, on est surpris de voir le FN prendre une telle place dans tous les sens du mot. Autant les formes d'ostracisation face au FN, des fois, on se dit, mais pourquoi? Parce que c'est un parti comme un autre qui n'a peut-être pas les valeurs qu'on a envie de partager, mais le fait de l'ostraciser, c'est presque le piédestalisé, à mon sens. Ah oui, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, d'ailleurs, avec le sujet du trombinoscope. Alors, on en parle tout à l'heure. Ouais, mais très bien. J'avais un truc à répondre. Si c'était le. Bon, puisque c'est comme ça. Non, mais donc. Non, revenons à l'Atlantique. Oui, voilà. Le colosse de Rhodes et le port de Pirée. Et la Grèce, la dette. Oh my Merci. God. Merci, c'était notre expert Gilbert Rozon. C'est donc la fin de ce flash. Et je donne l'antenne à André Manoukian. Eh bien, justement, le colosse de Rhodes. Écoutez, cette musique, ça s'appelle le Rebeticon. On va revenir. En Grèce, forcément, la Grèce est aux origines de tout, de notre histoire, de nos mots M-A-U-X. C'est quand même eux, les Grecs, qui ont inventé cette histoire improbable d'un mec qui tue son père et couche avec sa mère. Qui aurait cru que 24 siècles plus tard, mec du Nord, l'inventeur de la psychanalyse nous expliquerait que ces pulsions sont naturelles et même archétypales, c'est-à-dire qu'elles font partie d'une manière quasi organique de la psyché des petits garçons qui ont tous envie de coucher avec leur maman après avoir buté leur papa. Quant à moi, ce sont les Grecs qui m'expliquent le mieux pourquoi je transpire de la moustache quand Clara Dupont-Mono fait sa chronique. Parce qu'elle est à la fois apollinienne et dionysiaque, Clara. Elle est apollinienne parce qu'elle met en forme des idées, parce qu'elle donne une forme aux émotions. Elle est dionysiaque parce que dans sa voix, il y a l'appel des sirènes. Et là, il faut s'attacher très fort au mât du bateau pour ne pas plonger dans les flots de la libido, Clara. Et puis, le polythéisme... Il a réussi à mettre mât de bateau dedans, quand même. Hein, c'est ça. Le polythéisme, ça avait du bon, les gars. Je sais que vous êtes tous des mécréants ici, mais c'était quoi le polythéisme? Ça consistait simplement à nommer les différentes énergies de la nature à travers la figure d'un dieu. Par exemple, Guillaume Meurice, il a un peu d'Hermès, le messager des nouvelles. Herpès aussi, hein. j'ai failli entendre Herpès. Ça, c'est juste de faire un super portrait de ça, vous. C'est dégueulasse que vous tirez la chronique des autres vers le bas alors que la vôtre. Elle parlait du mot graveleux. Un Hermès, certes, mais un Hermès de contrebande puisqu'il trafique un peu les nerfs de ceux qui l'interviewent. Alex, ça serait le dieu Pan, ce dieu farceur qui joue de la flûte avec des pieds de chèvre et des chemises improbables. Charline. Vous êtes Aphrodite, bien sûr. Clara, vous êtes Circé. Vous transformez les hommes en cochons en leur racontant des histoires à l'oreille. Vous, Gilbert... C'est la seule qui veut épouser Ulysse. Vous, Gilbert Rozon, Ulysse, c'est moi. Vous, Gilbert Rozon, vous êtes Dionysos, le dieu des spectacles, des libations et des orgies, grâce auxquelles nous retrouvons nos pulsions animales. Les Grecs nommaient tout. Alors, il y avait deux sortes de musique dans l'Antiquité, les musiques de banquet et les musiques de funérailles qui vont produire le lamento. Nulle part ailleurs dans le monde, on a élevé l'art de se lamenter aussi haut. Il y a une raison. Les Grecs ont toujours pensé que les dieux étaient jaloux du bonheur des hommes. Non seulement Zeus tire sur toutes les terriennes qui bougent, mais il peut aussi employer les déguisements les plus improbables pour arriver à ses fins, comme se donner l'apparence d'un taureau blanc pour attirer Europe et se l'embrouiller vite fait bien fait sous un platane en Crète qui depuis est toujours vert. Exposer son bonheur aux yeux de tous peut vous attirer le mauvais œil. Dès qu'on vous fait un compliment en Grèce, il faut murmurer pour éloigner le mauvais esprit. Je vous assure, c'est vrai. Ma tante Eugénie faisait ça sans arrêt. On se plaint pour mieux cacher son bonheur. En Grèce, la plainte est belle et esthétique. Elle produit un état de mélancolie jouissive. On se délecte d'une manière quasi sensuelle de sa splendeur déchue. Le rebetiko, cette musique que l'on entend, exprime l'Orient perdu des réfugiés grecs chassés de Turquie dans les années 20. La Grèce ne les reconnaît pas. Elle n'accepte pas ces instruments qui viennent d'Istanbul et ces apologies de désordre. Cette musique de mauvais garçons jouée dans les tavernes de la Plaka, faisant l'apologie des marginaux, du hashish ou des femmes. La musique rebète exprime la nostalgie mêlée à un joyeux fatalisme et pas souvent des pleurs au rire. Mais qu'est-ce qui relie la musique des mauvais garçons gréco-turcs de Smyrne des années 20 aux surfeurs californiens des 60s, le trémolo et Quentin Tarantino? Et peut-être ce message aussi, on ne bullshit pas avec les Grecs. Ça, donc, c'est du rebetiko. Voilà, on l'a appris grâce à vous. C'est du rebetiko. Donc, la chanson Missirlou, ça veut dire jeune fille égyptienne. C'est un hommage à une jolie fille. C'est une chanson qui est née dans les années 20 et que les surfeurs californiens se sont emparés parce que c'est une... pour jouer ce morceau-là, on est sur une seule corde de la guitare. Donc finalement, quelqu'un d'assez débutant peut le faire. Il n'y a pas besoin de démancher. Avec Parkinson, ça marche aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et oui, vous êtes sur France Inter et nous sommes en compagnie de Gilbert Rozon, producteur québécois bien connu de Juste pour rire. Et là, juste pour rire, à votre droite, il y a cet individu nommé Guillaume Meurice. Et, oui. Et lui, il s'amuse avec le, le micro, qu'il balade chez les politiques, chez les people. Entre autres. Gros casting aujourd'hui. Charline, oui, gros casting. Alors, je voudrais commencer par quelque chose d'un peu perso. Comme j'ai quelque peu chahuté Clara dans ma chronique d'hier, je voulais me rattraper aujourd'hui en chanson, en tenant compte des goûts musicaux de Clara, bien sûr. Gérard Lenormand, ça vous va ou pas? Mais c'est mon ami, en plus, j'adore. C'est vrai? Mais oui. Clara. Tu sais toujours où m'attendrer, moi je ne bouge pas. Allô. Moi je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Oh putain, coupe, oh là là. C'est bon ça, cette chanson. Eh ouais, attendez, on a failli oublier, c'est l'anniversaire de Nicolas, dis donc, 60 ans, vous avez vu? On l'embrasse. Vous avez vu l'art de la transition un peu? C'est énorme. Ah ouais, je suis médaille d'argent de la transition 2014, juste après Charline Van Hoenacker et son célèbre, puisqu'on vient de parler d'un grizzly pris à pic, c'est l'heure de la chronique d'André Manoukian. Donc revenons à l'anniversaire de Nicolas. Alors, je voulais le rencontrer, pour lui souhaiter, en live, je me suis donc rendu à sa cantine, le Fouquet's. Manque de bol, il n'y était pas. Et non, mais il y avait à la place la conférence de presse de la prochaine édition des Césars. Je suis donc allé voir Édouard Baird. Monsieur Baird, on est au Fouquet's. Est-ce que vous savez de qui c'est l'anniversaire aujourd'hui? Monsieur, je pense qu'au Fouquet's, c'est toujours l'anniversaire de Nicolas Sarkozy. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez un message pour lui? Non, mais j'espère qu'il y a le menu Nicolas Sarkozy. C'est d'abord une entrée avec une tomate évidée, avec une farce aux trois poissons, et ensuite un aloyau avec ou sans sauce au poivre, et puis après une pomme de... Donc je ne sais pas du tout. Légumes à volonté ou pas? C'est ça la France, monsieur. Tout le monde est bienvenu dans tous les restaurants. Voilà, un beau message de la part d'Edouard Baird. Il y avait également le président de l'Académie des Césars, Alain Terzian. Quel César pourrait avoir Nicolas? Le César du président. Est-ce qu'il pourrait avoir le César du meilleur acteur? Est-ce que vous le trouvez bon acteur? Ah ouais, c'est un excellent acteur. Non, c'est un excellent acteur. Vous avez la langue de bois, vous êtes un bon président. Oh, je suis un président. Eh oui, c'est un président, mais pas le bon. Moi, je cherchais celui de l'UMP. Alors, dans la foulée, je me suis rendu à l'Assemblée nationale, dans l'espoir de rencontrer bon nombre des potes de Nico. Et là, j'arrive, et sur qui que je tombe? Un certain Henri Guénaud. C'est l'anniversaire de votre copain Nicolas Sarkozy aujourd'hui, un petit message pour lui. Bon anniversaire. Oula, c'est pas très enjoué ça. Si, bon anniversaire. Allez, un petit peu plus chantant. Oh, mais je prends envie, moi, je suis pas là pour commenter. Il est pas là pour commenter, ni pour chanter, dit-on. Bon, c'est pas grave, il a plein d'autres copains, Nico, dont un certain Eric Woerth. Savait-il de qui on fête l'anniversaire? C'est l'anniversaire de Nicolas Sarkozy et le mien demain. Ah, c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Bon, alors qu'est-ce que vous lui souhaiteriez à Nicolas Sarkozy? Bon, je lui souhaite beaucoup de bonheur personnel d'abord. C'est d'abord au fond ce qui compte. Et puis deux, je lui souhaite et je nous souhaite que nous puissions évidemment redresser l'UMP. C'est en bonne voie et en même temps être force de proposition. Ça, c'est ambitieux ça. Ouais, non, c'est possible. Ah, c'est possible. Ensemble, tout devient possible. Il est sympa, cet Eric Woerth. On parlait bien. Alors du coup, j'ai continué mes questions. Est-ce que vous pensez que Liliane Bettencourt va lui faire un cadeau? Vous la connaissez bien. Pas de commentaire. On parlait nettement. Un jour, quelqu'un va vous casser la figure. Oui, mais Eric Woerth, il peut pas en ce moment. Non, il était mal placé. On parlait nettement moins bien. D'un coup, c'est dommage. Pas si sympa, les copains de Nico. Essayons avec un de ses opposants, Olivier Falorni, député de Charente-Maritime. Apparemment, Angela Merkel lui a pas sauté un très bon anniversaire hier, parce qu'il a été reçu comme un livreur de pizza. Non, ne commencez pas à être sarcastique. Un vrai message d'amour et d'amitié. Non, je ne fais que reproduire les propos de vos collègues journalistes ce matin dans le journal. Donc, je suis très, très gentil. Bah, écoutez, je souhaite à Nicolas Sarkozy de pouvoir profiter de sa vie de retraité encore longtemps, d'aller faire de nombreuses conférences, de pouvoir découvrir le monde. Et je crois que... Ça, c'est gentil, ça, je me rends pas compte. Si, parce que je pense qu'il avait dit en 2012, maintenant, je vais faire du fric. Donc, qu'il continue à faire du fric, et puis voilà. Et puis voilà, faire du fric, puisque comme Clara nous le disait hier, faire du fric, c'est quand même vachement chouette, n'est-ce pas, non, Clara? J'ai dit, c'est pas sale. Oui. L'argent n'est pas sale. J'ai traduit pour nos auditeurs. D'ailleurs, pour terminer, j'ai retrouvé un enregistrement de vous, Clara. Et oui, puisque vous avez chanté lors de l'anniversaire de Nicolas Sarkozy, quand il était encore chef de l'État. Ça. Ne faites pas l'innocente, Clara, écoutez. Elle cherchait quand même. Elle a eu un doute. C'est intéressant. Très joli. Très joli bras de bois, Clara. Il a failli vous avoir, Clara. Il va finir par avoir son dîner avec moi. Il va finir par l'avoir. Très joli, en tout cas. Clara, quand très... je vous dis vous transformez les hommes en cochons en leur chantant à l'oreille, j'étais loin de... Non, mais d'adorables porcinets. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, très joli brin de voix, hein, Clara. Hein, vous nous aviez caché ça. Surtout le volume ma mère, hein, vous aurez... Oui, ouais. C'est commun, c'est commun. Non, mais nous, on pensait que vous chantiez comme une friteuse. D'ailleurs, puisqu'on parle frites et joli brin de voix, je repasse la parole à Charline Van Hoenakel. Ah bon, je voulais que je chante un truc. Ça transition. Ah oui. Ah oui, bon anniversaire Nicolas. Non, il faut souhaiter bon anniversaire à Nicolas Sarkozy parce que j'explique à Gilbert Rozon, notre invité. Notre émission s'appelle Si tu écoutes, j'annule tout. En référence à ce joli texte qu'il a envoyé par SMS à Cécilia. Qu'il aurait, oui, bien sûr. Si tu reviens, j'annule tout. Donc c'est un hommage, un hommage à Nicolas qui est notre maître à tous. C'est passionnant, Sarkozy au Québec. Ah, c'est bon. Il est venu faire des conférences et c'était un brillant orateur. Vous le produiriez pour les conférences au Québec? Mais il fait des très très bonnes conférences. Ouais, mais écoute, il prend 100 000 par conférence. Bah oui, mais bon. Il va vous ruiner. Quand ils sont politiciens, ils ne gagnent pas un sou. Hein. Ah, oui, c'est vrai, vous avez raison. Le petit clin. Merci Guillaume Meurice pour ce reportage très fourni. Il est 17h40 sur France Inter et à Gap. Ah, à Gap, hein? Oui. Ah bah alors ça c'est un hasard, Charline. Ah bon, je joue à Gap ce week-end. Ça alors. Mais où ça? Bah au Baladin, vendredi et samedi à 21h. Ah bah voilà, vous n'êtes pas en conflit d'intérêt là? Non mais c'est le hasard. C'est drôle, quand moi j'en parle, ça devient un immense conflit d'intérêt. Et pourtant j'ai moyen de me passer de mes intérêts. Je ne suis pas produit par Gilbert Rozon. Oui, mais Gilbert Rozon, on aime votre entreprise, voilà. On est ensemble jusqu'à 18h et on enferme l'actualité à la cave et on attend que vous alliez la délivrer, Gilbert Rozon. Deuxième sujet d'actualité de cette émission, un jury composé de journalistes a décerné le prix de l'élu de l'année 2014 au maire frontiste de Hénin-Beaumont. Fin de la blague. Je déclare ouverte la 33e cérémonie des pourris d'or. Des pourris d'or? Dans la catégorie les meilleurs scandales politico-financiers, les nominés sont le préfet Brutos pour l'affaire de la fusillade à la maternelle, Pierre Fumier pour l'affaire de la campagne électorale. L'affaire de la campagne électorale. C'est extrait d'un spectacle d'Albert Dupontel. Alors, c'est pas lui qui parle, mais il arrive pour recevoir le prix. Il est Robert Fumier. Un jury de journalistes qui remet des prix à des politiques. En France, c'est normal. Ouais. Est-ce qu'au Québec, c'est normal aussi? On n'a pas cette tradition-là. Par contre, aux États-Unis, il y a le moment chaque année, la rencontre de la presse avec le président des États-Unis, qui est un moment d'humour fabuleux, où le président accepte d'être roasté ou enfin d'être passé à la rôtisserie. Il faut expliquer pour les Français ce que c'est un roast. Un roast, c'est comme être rôti, quoi, se faire griller, se faire taquiner, de se faire dire des horreurs. Et le président, en retour, a un droit de réponse qui est assez effrayant. Et à chaque année, moi, je regarde ça parce que c'est passionnant. C'est un show. Et le président des États-Unis, Obama et Clinton, c'est... Vous rêvez de le produire, Obama. Non, mais c'est vraiment... ils ont le sens du comique comme même les grands professionnels l'ont pas toujours. Oui, mais il y a des auteurs qui leur écrivent les textes. Oui, mais c'est rien. Il faut quand même avoir le timing. Vous avez vu tout à l'heure quand André a essayé de nous faire rire. C'est quand même... je me rappelais même pas du début de la phrase quand t'étais rendu. J'avais l'impression de mélanger du Proust avec... Il y avait un torrent de mots. Tu sais que tu peux dire en plus simple. Hein, c'est vrai? Ça serait moins beau. Alors, oui, mais c'est vrai que c'est beau comment il parle. Moi, ça me fascine. On parlerait pas du trombinoscope s'il n'y avait pas le maire frontiste, oui, Steve Brivois, qui a reçu le prix de l'élu local 2014 dans la résidence officielle du président de l'Assemblée nationale. Claude Bartolone qui a donc boycotté l'événement. Oublié de venir. Les ministres primés se sont fait excuser. Gilbert Rozon, dans l'événementiel, c'est ce qu'on appelle un flop. Ben, je sais pas, moi je trouve que ça fait encore mettre en valeur le Front National. Vous savez, ils ont alors été quoi, exclus de la grande marche. Attendez, de lui donner un prix ou de boycotter? De boycotter. Moi, j'ai toujours l'impression que... Ah, c'est pas donner un prix qui est le mettre en valeur? Non, je crois pas. Non, mais vous avez un regard depuis tout à l'heure. En fait, c'est très à l'anglo-saxonne. Vous pensez qu'il ne faut pas diaboliser les partis de l'extrême, en fait? Oui, il faut faire attention, en tout cas, comment on le fait. Je comprends toute votre histoire. Je ne peux pas, évidemment, la vivre comme vous la vivez, comme on vous l'enseigne. Mais quand je l'ai vu dans cette fameuse marche de Charlie, ne pas les inclure spontanément, ça crée des malaises. Mais récemment, j'ai un ami qui est allé faire une tournée dans, justement, toutes les... les mairies où il y avait un maire du Front National. Et il était surpris parce que les gens l'aimaient. Puis il n'y avait pas nécessairement qu'une seule clientèle qui l'aimait. Il y avait des Arabes qui aimaient leur maire, tout ça. Donc, il restait un peu interloqué. Je pense que vous avez peut-être pour trouver un jour avec le Front National au pouvoir. Vous avez intérêt de vous préparer. Quand l'actrice de Xavier Dolan était venue chez Laurent Ruquier, elle avait été très surprise par les propos d'Éric Zemmour. Parce que justement, c'est des propos qu'on ne tient pas apparemment de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, mais c'est parce qu'au Québec, on a peur des disputes. Nous, on a, à l'anglo-saxonne, comme vous dites, on a très peur de ce qu'on appelle la chicane. Tu vois, quand les gens s'engueulent, se disputent, comme on aime bien le faire ici, nous, c'est grave. On considère que c'est le début d'une bataille. Donc, on ne voit pas souvent, comme chez vous, ce genre de débat. C'est un sport en France. Mais ne dites pas chez nous, parce que les Belges, on est plus comme les Québécois. Oui, parce que vous êtes lâches. Ça s'appelle de la lâcheté, en fait. T'es pas prêt d'être produit, toi, par personne. Si, j'ai pas par vous, personne dans cette ville où tu joues ce week-end. Nous, on n'est pas les cousins des Québécois, on est les frères, on est les frères. Alors, donc, sachez, pour terminer ce sujet sur le trombinoscope, qu'au buffet... Quel nom, quel titre pour un prix. Attendez, Charline, moi, j'ai pas suivi. Il a eu ce prix des journalistes, pourquoi? Parce qu'il gère bien, ça. Le meilleur élu local. Le meilleur élu local. Alors qu'il est élu. En fait, le scandale, c'est qu'il est élu depuis seulement 6 mois. Donc, c'est un tout petit peu tôt pour faire un bilan, en fait. Voilà. C'est plus pour ça, le scandale, que parce qu'il est uniquement le Front National. Ce jury composé de journalistes était assez gêné. Alors, c'est quand même paradoxal. Ils remettent le prix à Steve Briouat, ils le choisissent. Et en même temps, ils sont gênés, donc ils s'éclipsent du buffet. Donc, on va les citer, hein. Arlette Chabot. Oui. Laurent Geoffrin. Gilles Leclerc. Et Christophe Barbier. Voilà, que Laurent Geoffrin n'était pas à la délibération. Ah, donc il n'y avait pas de journaliste, en fait. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, tu vas faire des amis, toi, là. Je pense que c'était bien de les citer, hein, parce que quand on fait des conneries, il faut... Voilà. Alors, Clara Dupont-Bonneau, prenons un peu de hauteur et de distance par rapport à tout ça, n'est-ce pas? Mais je vous emmène, hein, Charline. Allez, emmenez-nous. Mais jingle glaire, peut-être, aujourd'hui. Non. Oui, alors on va réexpliquer aux auditeurs que Clara Dupont-Bonneau, il lui arrive d'entamer ses chroniques... par un raclement de gorge léger, voilà, léger, qui n'est pas le cas aujourd'hui, de ce genre-là. Et évidemment, sous le prisme de Guillaume Meurice, ça devient glaire. Donc. L'actualité, Charline, c'est aussi l'anniversaire de Nicolas Sarkozy, ça vous l'avez dit, mais c'est aussi un autre, alors triste anniversaire, qui concerne une magnifique personne, et c'est Marie Curie. Parce qu'il y a 104 ans, le 23 janvier 1911 précisément, Marie Curie est refusée à l'Académie des sciences. C'est-à-dire qu'elle a réussi à isoler le radium, son mari et elle ont déjà obtenu le prix Nobel de physique, mais malgré ses succès, en cette fin janvier 1911, le destin opère un virage. Alors je vois vos mines éberluées, je vous entends vous demander, comment se fait-ce? Et surtout, comment le sais-je? Eh bien, je sais, car j'ai fini cette nuit un chef-d'œuvre, mes amis, qui s'appelle « L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir », qui est signé de Rosa Montero. À sa sortie en Espagne, il s'en est vendu 300 000 exemplaires. Alors ça, c'est un petit peu normal, puisque Rosa Montero est un génie de conteuse. Elle raconte n'importe quoi, ce qu'elle veut, n'importe quel sujet. De toute façon, ça va être accessible et ça va être drôle. D'ailleurs, résultat, c'est une des grandes voix de l'Espagne aujourd'hui. Et donc, avec ce livre, elle s'attaque à Marie Curie. Et c'est Marie Curie comme on ne l'avait jamais imaginé. Marie Curie, elle a petit moral depuis exactement le 19 avril 1906. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, son époux, Pierre Curie, est tombé en traversant une rue et évidemment, sa tête est passée sous la roue d'une carriole. Donc, évidemment. Il est mort. Bon. Donc, Marie Curie s'est retrouvée veuve avec ses deux petites filles. Comme elle souffre énormément de l'absence de son mari, qu'est-ce qu'elle fait alors qu'il est mort ? Elle lui écrit des lettres. Des lettres qu'on a conservées et que Rosa Montero a reprises et elle en fait sa matière première. Des lettres bouleversantes. Exemple, une phrase, c'est Marie Curie qui parle. « Je suis très contente car je cache souvent sous un rire mon absence totale de joie. » Extraordinaire. La grande scientifique qui est toujours si sombre sur les photographies, voilà ce qui se passe. Elle est brisée, elle ne le montre pas. Elle élève seule ses filles, elle enseigne à la Sorbonne, c'est la première femme à pouvoir le faire. Elle travaille sur la radioactivité. Bref, elle vit, mais dedans, ça pleure. Et puis, quelques années après, un jour, brusquement, on la voit arriver vêtue de blanc, alors que jusqu'à présent, elle était tout le temps en noir. Et puis, elle a une rose piquée à la taille. Et puis, ses joues aussi sont roses. Et soudain, aux yeux de ses rares amis, ça paraît limpide, elle est heureuse. elle est amoureuse. Marie Curie est à nouveau amoureuse. Il s'appelle Paul Langevin. Il a 5 ans de moins qu'elle. C'était l'élève de son mari. Il est marié et il a 4 enfants. Et ces deux dernières informations vont retourner l'opinion publique contre Marie Curie. Car Madame Langevin, l'épouse, évidemment folle de jalousie, intercepte la correspondance, la donne à la presse. Et le coup d'envoi du lynchage public, mais mondial, va être donné par l'Académie des sciences qui rejette Marie Curie, le fameux refus de janvier 1911. À partir de là, les journaux se déchaînent, rappellent qu'elle est polonaise, juive, et puis russe, et puis allemande. Bref, elle est étrangère. Ils la surnomment la mangeuse d'hommes. Court l'idée que Pierre Curie s'est suicidé, justement, s'est mis sous une roue de carriole à cause de ça. Une foule furieuse jette des pierres contre les fenêtres de Marie Curie, et Marie Curie se précipite. Ses deux petites filles sont toutes seules. Elle les emmène avec elle. Elle va se réfugier chez un ami scientifique qui accepte d'héberger Marie Curie, malgré la menace du ministère de l'Instruction publique qui sanctionne quiconque aidera Marie Curie. La Sorbonne envisage de lui demander de quitter la France. Tous ses confrères lui tournent le dos, sauf un qui s'appelle Albert Einstein, qui lui envoie une lettre de réconfort, et Rosa Montero la cite, sublime lettre, dans laquelle il dit « Si la vermine continue de s'occuper de vous, arrêtez tout simplement de lire ses âneries ». Notons, écrit Rosa Montero, que Marie Curie est la méchante de l'histoire, hein, forcément. Paul Langevin, lui, c'est la victime de l'adultère. Lui, il n'a rien à voir. Et dans cette ambiance de lynchage, la nouvelle tombe quasiment inaperçue. Le prix Nobel de chimie est attribué à Marie Curie. Il faut oublier que sera la seule à avoir 2 prix. Hein. Et là, il tombe au milieu de tout ce bazar. Il n'y avait pas à l'époque Internet. Et donc en Suède, ils ont mis un peu de temps à prendre conscience du scandale mondial. Mais quand ils en prennent conscience, le jury du Nobel demande à Marie Curie de surtout pas venir en Suède chercher le prix. Parce que vous rendez compte, parce que ce serait mal vu. Marie Curie leur balance une réponse cinglante comme seules les duchesses savent le faire. Oui, comme Alex Vizorek, on a plein de preuves. Elle va chercher son Nobel tête haute, mais, écrit Rosa Montero, elle est détruite. La preuve, l'année suivante, elle disparaît sans laisser de traces pendant un an. Pendant un an, ses filles, qu'elle a laissées à la charge d'une institutrice, ne savent pas où elle est, elle quitte son travail, elle quitte tout, elle va aller de refuge en refuge, à chaque fois sous un faux nom. Et Rosa Montero écrit « 1912 fut une année calcinée, désespérée, l'année de la dévastation ». Je termine juste sur Paul Langevin, lui, qui est resté avec sa femme, qui a pris une autre maîtresse, qui lui a fait une fille illégitime. Et des années plus tard, il a rompé devant Marie Curie pour demander à Marie de trouver un emploi à cette fille illégitime. Et Montero écrit « Vous savez quoi ? Elle le lui donna ». La classe, Marie Curie. Lisez ce livre, L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, de Rosa Montero, aux éditions Métellier. C'est un chef-d'œuvre. Et j'y reviendrai. Je ferai sans doute une chronique diptyque. Voilà, j'inaugurerai un nouveau genre. Mais j'y reviendrai d'une façon ou d'une autre. D'accord. Surprise. Par la porte ou par la fenêtre. Oui. D'accord, très bien. Oui, j'y reviendrai parce que c'est trop beau. D'accord. Merci Clara Dupont-Monod. Eh oui, vu votre enthousiasme, effectivement, on a très très envie de le lire. Et on peut retrouver la référence sur franceinter.fr parce que Michel Berga au point route me signale que le trafic a repris sur franceinter.fr. Donc allez voir les références des livres que vous conseille Clara Dupont-Monod. Gilbert Rozon, tout va bien ? Très très bien, c'est très agréable votre émission. Oh, finalement. Merci, écoutez. C'est curieux, mon émission qui n'a pas de concept. C'est, c'est ça quoi. C'est tout le concept. Quand Gilbert Rozon nous a demandé quel est le concept de votre émission, on a dit écoutez, on ne sait pas, peut-être qu'à la fin de la saison, on aura trouvé. En tout cas, on sait qu'il y a un troisième sujet à cette heure-ci sur France Inter. Attention, troisième sujet, 23% des photocopieuses tomberaient en panne suite aux photocopies de vos fesses. Oui, on a vu ça sur votre compte Twitter, Gilbert Rozon, et on a cherché une explication. En plus, je vais vous dire, la surprise qu'il avait préparée, c'est ça qui a tout déclenché, la crise de nerfs, tout ça. C'est pour ça qu'on est parti plus tôt et qu'il a essayé de m'étrangler. Plus, c'était pas méchant ce qu'il avait préparé. C'était pour rire. On peut le dire maintenant. Hein ? Il s'était peint les fesses en bleu. Un beau bleu. Elles étaient magnifiques. Hein, mon poussin, elles étaient belles, tes fesses. Hein ? Magnifique. Chantal Lobby dans Delphine 1, Yvan 0. Si vous photocopiez vos fesses au bureau, ne les peignez pas avant. Parce que là, on augmente le taux de panne des photocopieurs. Gilbert Rozon, on a trouvé ça. On s'est baladé sur votre compte Twitter parce que vous êtes très Twitter. Oui. Et là, on a trouvé cette info. Alors, je suis allée rechercher et je me suis rendu compte que cette info, mais elle n'existe pas. C'est deux lignes qui traînent comme ça sur le net depuis 2009. Absolument. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? C'est J'ai appelé amusant. Des fabricants de photocopieurs. Je me suis fait mon propre. Guillaume Maris. Prenez des mes notes. Propres statistiques. Moi, j'adore. véhiculer des informations fausses. Ah oui, c'est vrai. Si on les reproduit, moi, ça m'amuse. Alors, c'est un canular permanent. En tant que producteur, la multinationale de l'humour, ce genre de d'informations insolites, vous les mettez sous la dent. Oui, j'adore ça. Des fois, elles sont vraies, des fois, elles sont fausses. Je laisse les gens décider, ça m'amuse, moi. Qu'est-ce que vous pensez du Gorafi ? Parce que c'est un peu le principe, c'est de faire croire que l'information est vraie parce qu'on le casse comme ça dans un genre de journal. Et puis après, elle est fausse et elle est surtout très drôle. Oui, mais j'ai aucune opinion. Vous avez l'équivalent au Québec de ces journaux parodiques, et parfois les journaux dits sérieux ou de référence se trompent et utilisent les informations des journaux parodiques, et on ne sait plus qui prêche le faux du vrai. On m'a déjà posé une question, moi c'était effrayant, c'est une grande leçon, je devais avoir 28-30 ans, pour me demander c'est quoi le volume d'affaires au Canada. J'ai fait une sorte de calcul mental en me disant dans le cinéma ça doit être ça, et j'ai donné un chiffre. Et pendant 5 ans, tous les grands magasins citait ce chiffre-là avec mon nom à côté. J'étais horrifié parce que et ça arrive, c'est une sorte de grande déclaration économique. Mais la question que tout le monde se pose, Gilbert, c'est est-ce que vous avez déjà posé vos fesses sur une photocopieuse et enclenché le bouton play? Non, j'ai pas ce genre de fantasme-là. Mais je sais, chez les anglophones, ce qu'ils appellent faire moon, baisser les culottes, montrer ses fesses, c'est un truc dans tous les collèges anglophones, des universités, des écoles. Les gens font ça chez les anglo-saxons. C'est vraiment un truc. Mais pourtant, quoi. C'est assez pudique, les anglo-saxons. Ah, pas sur ces choses-là. Non. Pour montrer ses fesses, c'est comme ça, moon. Quelque chose. Il y a un truc et c'est pas moonwalking, donc, c'est moi ça me gêne, c'est bon. Mais je sais que ça se fait vraiment beaucoup dans les bureaux, pour le vrai, hein. Vous voulez voir la lune avec moi ce soir? Je préférais l'endroit sinon dynamique. Et donc on comprend comment cette information émane sans doute des journaux québécois, hein. c'est de là que ça vient. Et en tout cas, je remercie Clara Dupont-Mono d'avoir ramené le sujet au cœur du sujet, hein, les faits sur le photocopieur. Merci, parce que là on était parti sur ce qui est très drôle dans ce sujet, c'est que c'est complètement visuel, c'est qu'on imagine la personne, et c'est ça la magie de la radio, parce qu'on peut se l'imaginer comme ça et on n'a pas besoin de l'image, ça vient tout seul. Allez, dans cette émission, on vous donne la parole aussi, chers auditeurs. Tout ce que vous n'osez pas dire au téléphone sonne ce soir chez Hélène Jouan parce qu'elle vous impressionne, eh bien, dites-le chez nous au téléphone d'Écône au 01 56 40 69 51. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Si tu écoutes, j'annule tout. Et donc si vous laissez un message, eh ben nous, on écoute tout, enfin j'écoute tout. Alex, si tu... Vous avez un nouveau message. Bonjour, je suis une fidèle auditrice d'RTL, j'allais dire Radio Luxembourg, c'est vous dire si j'ai plus 20 ans. Et j'adore Stéphane Bern, mais je voudrais lui demander un petit effort pour faire taire un petit peu ceux qui parlent et qui bavardent et qui rient en même temps que tout le monde. C'est un tohu-bohu, on ne comprend pas, on voudrait bien comprendre les vannes, mais tout le monde parle en même temps. Un peu de discipline, s'il vous plaît, jeune homme. Et puis vive RTL, au revoir. Fin des nouveaux messages. Alors, comment cette dame est arrivée chez nous? Parce que vous êtes sur France Inter à 17h56. Mister, alors j'ai deux hypothèses. Alors, soit effectivement, c'est la cacophonie dans cette émission. Cru qu'elle était sur Terre. Oui, et elle a confondu Alex Vizorek avec Stéphane Bern. C'est possible. Ou alors, Stéphane Bern, calmez-vous un petit peu. Ou si ça vous plaît pas, venez chez nous. Allez, une dernière revue de presse ou un petit sketch. Un petit sketch, Gilbert Rozon, est-ce que vous acceptez un rôle dans ce sketch? Oui, absolument. Vous êtes Nicolas Sarkozy. Parce qu'on a fêté son anniversaire à l'UMP. Le texte est là. Alors, je vous donne la distribution. Charline, vous êtes Nadine Morano, Clara Rachida Dati, Guillaume François Fillon et moi-même, Alain Juppé. Attention, c'est l'anniversaire. Mais c'est quoi la lettre N? Bah oui, vous êtes jaune. C'est ce qui est en jaune. Pardon, c'est parti. Joyeux anniversaire, Nicolas! Oh, quelle surprise, vous ne m'avez pas oublié! Non, ça risque pas qu'on t'oublie, non. Ah, vous avez des cadeaux pour moi, je suppose. Oh, bien sûr, Nicolas! Ah, Nadine, qu'est-ce que tu m'offres? Nicolas, je t'offre toute ma dévotion. Ah! Nadine, tu me l'as déjà offert, ça, non? Non, oui, mais cette fois, c'est ma dévotion inconditionnelle. Nadine, tu sais qu'un cadeau, ça doit faire plaisir à celui qui le reçoit, pas celui qui offre. Moi, Nicolas, j'ai un vrai cadeau. Oh, merci, Rachida. Ah, j'espère que tu les as pas. Une paire de Louboutins? Mais je vais pas mettre ça. Oh, bah, c'est pas grave, je le garde pour moi. Moi, Nicolas, j'ai un vrai cadeau. Ah, oh, merci François. Un croûte boucher? Oui Nicolas, c'est pour accrocher tes anciens premiers ministres. J'étais un peu jaloux de Villepin. Et toi Alain, t'as un cadeau pour moi? Oui, moi j'ai un conseil pour toi. 60 ans, c'est un bel âge Nicolas pour prendre sa retraite. Vers 60 ans, on commence à fatiguer. Ah Alain, c'est gentil, mais tu peux parler toi. Tu as 10 ans de plus que moi. Ben justement, je peux te le dire. Moi, vers 60 ans, ben, j'ai un petit peu fatigué. J'ai un petit down. Ah, tu m'étonnes, tu as dû t'exiler tellement tu étais mouillé dans les affaires. C'est vrai, j'ai fait un petit séjour au Québec. Ah, le Québec, qu'est-ce qu'on doit s'emmerder là-bas? Je te le confirme. Ah, moi, je ne supporterai pas leur accent. Vraiment. En tout cas, merci à tous pour vos cadeaux. Ça a fait tellement plaisir d'avoir des amis amis comme vous. Joyeux anniversaire, Nicolas. Et merci Gilbert Rozon dans le rôle. C'est un bon dirigeant. Oui, oui, oui. Il manque le petit mouvement nerveux d'épaule, comme ça. Hein, j'avais aimé avoir le texte un peu avant, quand même. C'est tout le principe du piège. Mais oui, mais vous étiez très bien. Merci Gilbert Rozon. Et donc, Juste pour rire va arriver donc dans la ville de Romans, en oui, France. Oui, en juin et en septembre à Lyon. Très belle ville, j'adore Lyon. Moi, et j'ai en un septembre plaisir. À Lyon, très absolument. Bien. Merci et Gilbert. À Bruxelles, au mois d'avril, c'est vrai. Exactement. À Bruxelles, au mois d'avril. Ben oui, je le lance. Gilbert Rozon qui est partout, qui vit entre Montréal, Paris, Londres. Non, mais le rire est universel. Singapour, vous avez un compte en Suisse aussi, je ne sais plus. Ah non, j'ai pas. Mais non, j'ai pas ça. Merci Clara, Guillaume, André, Manoukian, Alex. On vous retrouve demain en grande forme avec Arnaud de sa mère, un autre comique. J'aime bien lui. Et puis on va, bien sûr. Lui. Oui. Bien sûr, on va dédier le mot de la fin à cette belle journée et on vous dit à demain. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas.